Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Alors Gaétan, ce soir, on a un invité qui nous vient d'outre-mer, de Suisse, qui est de passage au Québec, Lucas Truniger, c'est bon. Alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Je pensais qu'il était d'origine allemande. Mais non, non. Suisse, pas suisse-allemand, non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, donc, Lucas est avec nous à cette émission donc de La Croche-Oreille. Je rappelle que pour nous rejoindre, si vous voulez nous envoyer des courriels, vous faites crocheoreille@gmail.com ou encore si vous voulez consulter notre site, entre autres, pour voir l'émission, la prochaine émission ou encore la feuille de route de chacune des émissions, le site qu'entretient chaque semaine notre ami Gaétan. Alors, vous allez sur le www.lacrocheoreille.wordpress.com. Alors, on va y aller tout de suite, tiens, pour se mettre dans le bain, Lucas, si tu acceptes. On va y aller tout de suite avec une première pièce, une courte pièce de toi qui s'intitule tout simplement Yurlof de Géométrie.3. On va voir. Sur une pièce mystérieuse. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un projet solo où je travaille beaucoup avec c'était des textes écrits par moi, et c'est aussi moi qui a utilisé ma voix pour ce projet. Et en même temps, il y a des algorithmes qui ont réanalysé ce texte et aussi de la musique pour créer de nouveaux matériels. Donc c'est un aller-retour entre cette l'organique de ma propre langue mm-hmm. et quelque chose super abstrait, artificiel. Mm-hmm. Et oui, c'est un petit projet solo. J'ai fait plusieurs morceaux dans cette direction. Aussi un peu avec un regard sur musique rythmique. Mais ouais, c'est... Mm-hmm. c'est... Alors, dans ta description, on parle de toi comme étant un artiste médiatique, musicien, compositeur. Qu'est-ce que tu entends par artiste médiatique? On parle souvent de ce concept-là d'artiste médiatique, mais évidemment, on connaît le musicien, on connaît le compositeur, mais médiatique, ça veut dire quoi pour toi dans ton travail? Pour moi, ça veut dire que je fais pas que la musique, je fais aussi des objets, je travaille avec de lumière et ouais, avec une représentation de quelque chose dans l'espace. Donc, j'ai fait plusieurs installations lumineuses sonores juste au moment. Qui sont un point de départ un peu musical, mais qui ont une représentation dans l'espace parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc le point de départ, c'est souvent c'est la musique, c'est la note ou c'est des sons. Oui, mais aussi conceptuellement, pour moi, il y a quelque chose qui est lié dans la musique, mais c'est pas forcément une note ou un son, mais au niveau des pensées. Une idée. Ouais. Gaëtan? Lucas, si on parlait un peu de ton parcours, parce que tu as une formation de musicien à la base, et comment se développe cet intérêt pour les autres médiums? Parce que dans le fond, ce que tu appelles artiste médiatique, si on aurait tendance à appeler ça artiste multidisciplinaire. Oui, voilà, oui. Ou interdisciplinaire, mais on se comprend bien. Mais c'est ça, je suis un peu curieux de voir un peu comment tu ajoutes à tes compétences là, tous ces savoirs liés à la fois aux technologies, à l'histoire de l'art, à l'histoire des technologies, à la musique, aux arts sonores. Pour moi, c'est le concept de l'artiste médiatique, c'est un peu bon. C'est pas évident. J'ai bien cette notion de multidisciplinaire, ouais, qui touche à tout. Qui a bon, c'est de ouais qu'on n'a pas une seule pratique, une seule discipline. Et pour moi, c'est venu avec le pratique de la musique électronique que je me tout de suite demander, mais c'est quoi cette représentation de l'ordinateur? Qu'est-ce que c'est son rôle? C'est quoi cette interaction qu'on a avec cette entité qui joue soi-même, qui peut nous pousser dans une autre direction? Et donc, c'est venu comme ça aussi. Ouais, ça veut dire quoi dans notre société, cette petite black box qui fait de choses soi-même? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je lisais quelque part dans un texte où on parlait de toi, que tu étais fasciné par les systèmes complexes, oui. Mais dans la nature et la société. Donc, ces espèces d'ordinateurs, c'est un peu comme si c'était des extraterrestres ou des objets qui sont en dehors de la nature, en dehors de la société. C'est comme des objets un peu qui sont encore plus complexes que la société dans laquelle on vit, non? Non, mais la complexité, la société, c'est aussi un système comme ça, je trouve. Donc, mm-hmm. Notre interaction, ça crée quelque chose qui est plus large que le son. Non, qui crée quelque chose qui est plus large que l'unité simple de ce système. Donc, ça crée quelque chose qui. Et c'est ça qui m'intéresse toujours de est-ce qu'on ouais ce qui t'intéresse donc c'est de voir quelque chose qui est complexe qui est multiforme et qui devient plus qui rajoute quelque chose et c'est ça qui m'intéresse ouais mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait aller à une seconde pièce Gaëtan? Oui, Jean-Pierre, on pourrait entendre une pièce qui s'intitule « Bouge pas, je vais me rapprocher de mon... » « Huge Unified Geometric Organ, Hugo ». Voilà, alors on l'entend et on l'écoute et Et Lucas nous en dit quelques mots par la suite. C'est une installation audiovisuelle, donc c'est une installation sonore et lumineuse. OK. On va l'écouter. Ouais. Il y a quelque chose à la fois d'organique et je dirais, pas surnaturel, mais d'artificiel dans ça. Tu sais, on entend des gros bruits, on a l'impression d'entendre des bruits de pas, quelque chose qui est plus près de l'humain, et à côté, on sent des mécanismes, des objets qui bougent. D'où peut-être le titre de cette Hugo, hein, qui a l'air d'un prénom humain, et en même temps Huge Unified Geometric Organ, un organisme qui est géométrique et unifié. En fait, c'est une installation qui est composée de 12 modules géométriques notamment, et qui sont tous équipés avec un microphone et un lumière, et aussi une sorte d'une enceinte qui plutôt vibre cet objet. Et ces 12 objets, ils enregistrent leur espace, donc l'espace de l'exposition, et utilisent les choses qui sont enregistrées et le redistribuer entre eux, donc créer une propre composition. Donc ils sont à la fois des récepteurs, oui. Ils s'alimentent à même ce qui se passe dans l'espace, et ils remangent ça, si je peux dire, à travers les systèmes. Oui. Et donc ça crée quelque chose qui, à la base aussi, c'est de nouveau cette simplicité et complexité, mm-hmm. qui peut se créer grâce à les objets. Ils sont relativement simples, ils ont une fonction simple, en même temps dans les douzaines, ça crée quelque chose qui paraît même organique et plus, beaucoup plus complexe que cette unité. Mm-hmm. Donc, c'est plus complexe que ça en a l'air, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. En l'apparence, ça a l'air tout simple, mais c'est un système qui est quand même... C'est aussi le pouvoir de créer quelque chose qui semble complexe à la base de quelque chose simple. C'est ça qui m'intéresse. Mm-hmm. C'est ça qui est la beauté aussi dedans. Donc, de détourner quelque chose, de contourner le sens de quelque chose pour le faire montrer plus complexe qu'il est. Oui, aussi. Comment es-tu venu à être ici avec nous pour un certain temps, donc à Méduse, tu t'es inscrit pour une bourse, pour un stage ici à Méduse, comment ça fonctionne? C'était une application à projet ou une application pour une résidence de mm-hmm. pépinière européenne, et je suis accueilli par Avatar notamment, donc mm-hmm. je travaille chez Avatar en ce moment jusqu'au début juillet, et ouais. Je suis en train de réaliser un projet chez Avatar. Mais en fait, donc, c'est une résidence qui est à la fois chez Avatar, mais tu vas pouvoir bénéficier aussi des autres centres d'artistes qui sont dans Méduse, si tu en as besoin. Si j'ai besoin, oui. Et c'est ça qui est intéressant chez Méduse, que c'est une structure très multidisciplinaire aussi, mm-hmm. qui permet d'aller aussi plus loin qu'une simple démarche. Mm-hmm. Et t'en es venu comment? Parce que tu connaissais Méduse, t'avais entendu parler. Comment t'en es venu à postuler? C'était un appel ouvert. Et okay. c'est ça qu'on fait comme jeune artiste aussi, de faire des appels à projets pour continuer à d'avoir la possibilité de réaliser de nouvelles œuvres. Et Lucas, on va entendre une prochaine pièce qui s'intitule In Transit. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu avant de démarrer la pièce. C'est une musique de spectacle ou des extraits du musique de spectacle sur lequel je travaillais pour une opéra à Berlin. Et aussi, de nouveau, ça travaille avec la langue. Et c'est un peu un rapproche différent, pas algorithmique, mais je me beaucoup la langue m'a permis de faire des décisions de composition et mm-hmm. Donc donc la langue est à la base de chanteur de cette pièce. Mm-hmm. Alors on va l'écouter. Évidemment, c'est un court extrait de quelque chose qui est plus important, mais moi, je ressens quelque chose d'extrêmement... D'ailleurs, autant dans cette pièce-ci que dans celle qui ont précédé, il y a un aspect dramatique, très théâtral, mais évidemment, dans ce cas-ci, on est dans un opéra, mais dans ton travail, on sent l'importance de la voix La voix est très présente, puis par la suite, on dirait que les instruments viennent comme s'alimenter de cette voix-là pour produire un certain nombre d'effets. Mais il y a quelque chose de très théâtral ou dramatique dans ton travail. Je me trompe ou c'est une... Non, mais... du moins, à ce que j'ai entendu. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, ce côté performatif. C'est... Aussi, quand je joue en live, c'est quelque chose... moi, j'aime pas de la performance derrière le laptop où on se cache derrière l'écran. Je cherche toujours de faire quelque chose de différent que ça. Et de, bon, un peu de show, ça peut être... ça m'intéresse aussi. Mais ça fait partie du spectacle. <T'sais>, sinon, on fait jouer une bobine. On fait jouer un enregistrement, ça va faire la même chose. Oui, si on veut aller plus loin, si on veut faire autrement, je trouve... En tout cas, c'est un peu ce qu'on reproche souvent au spectacle d'art sonore. Oui. D'être caché derrière son laptop et... de ne pas faire de show, dans le fond. Oui. Donc, dans ton travail, cet aspect-là de représentation, il est important. Oui, il est important, oui. Il est important. Puis est-ce que as-tu touché toi-même au théâtre ou c'est par curiosité ou par intérêt que t'empruntes ces voies-là? J'ai eu quelques projets un peu plus performative où j'étais plus exposé aussi sur scène comme dans celle-là où j'étais aussi sur scène, c'était pas juste une production en avance mais vraiment que le musicien il a fait partie de la scène aussi et aussi dans d'autres projets c'était important de faire une représentation aussi. C'est quoi la figure de musicien sur scène? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ouais, dis-moi, Lucas, est-ce que tu as une méthodologie particulière, une façon de travailler? Parce que bon, dans cet environnement sonore pour l'opéra, on se demande s'il y a eu de la captation en direct ou si c'est un travail essentiellement numérique avec les machines. Dans ce projet-là, il y a eu un peu les deux. J'aurais aimé de faire plus en live. J'aime bien d'avoir un peu du risque aussi sur scène. Et beaucoup quand je travaille avec d'autres musiciens, j'aime bien de travailler avec d'enregistrements en live parce que ça oblige aussi de vraiment être active. Être présent aussi. Présent, oui, à l'écoute des autres aussi. Oui. Mais dans ces projets-là, c'était un peu un mix aussi grâce aux productions dans une grande maison comme ça qui permettent pas toujours de trop de flexibilité j'étais obligé à faire un peu moins que je voulais. Donc c'est parce que j'avais une question, j'avais une idée puis je l'ai perdue. Donc c'est important pour toi d'être présent sur scène, d'être très actif, ce qui distingue ton travail de souvent d'autres dans le milieu. Mais dans ton travail, est-ce que tu t'impliques beaucoup dans tout l'aspect enregistrement, tout l'aspect technique? Est-ce que t'es prêt de ça ou si tu te fies à d'autres personnes là-dedans? Moi j'aime bien travailler avec des gens qui maîtrisent bien des choses et c'est surtout au niveau de programmation, c'est quelque chose qui m'intéresse. Même si je fais un peu de programmation moi-même, c'est quand même super enrichissant d'avoir quelqu'un qui me le maîtrise vraiment bien. Et c'est bon pour au niveau de production, ça peut être pareil, hein, de travailler avec des gens qui sont l'habitude de vraiment de faire des beaux productions. Ah! Déjà entendu? Voilà. Thank you. Alors, c'était déjà entendu, une autre pièce de Lucas. Je te parlais de l'aspect technique parce que je me demandais qu'est-ce qui t'avait amené à venir chez Avatar. Est-ce que c'est justement cette, tout l'aspect technique, tu sais, on reconnaît Avatar comme étant un centre de création, un centre de diffusion, mais aussi une expertise en matière de... Qu'est-ce qui t'a amené à dire, ben moi, je vais aller chez Avatar, puis qu'est-ce que tu attends d'Avatar par rapport à l'aspect technique? Moi, je suis quelqu'un qui travaille quand même beaucoup autonome aussi. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très intéressant chez Avatar, parce qu'ils ont le moyen technique, ils sont très bien. Donc, pour réaliser des choses facilement, c'est très efficace, je trouve. En plus, il y a le soutien technique qui est très bien aussi, de la part de Nathalie, qui supporte bien super bien le projet. Donc c'était un peu ça, je pense. Bon, c'était eux qui m'ont choisi finalement. Peut-être c'était un peu ça aussi qui a joué, que j'aime bien faire de choses moi-même, mais en même temps ils sont là pour supporter aussi. Pour supporter, ouais. Penses-tu que toi aussi tu peux apporter quelque chose à Avatar? Je ne sais pas encore. Dans ton expérience, c'est tout récent, là, tu viens d'arriver, quoi. Tu non, étais ici depuis quoi? J'étais avec un petit... bon, c'était pas une vacance, mais normalement je suis arrivé début avril déjà, mais j'étais obligé à retourner en Europe pour un projet. Donc c'était un peu aller-retour, mais donc c'est comme là tu vas vraiment comme commencer. Oui, je suis en train à être ici. Ouais. On va aller vers la pause publicitaire, Gaëtan, ou on a encore le temps? Bon, en fin de compte, on pourrait aller... tu sais, Jean-Pierre, il y a plus de... Les pubs, c'est terminé. On c'est va bien dire pour ça. Le dimanche soir. On va oui. dire ça, heureusement. Donc, mais j'enchaînerai avec Lucas. Oui. Tu es chez Avatar, Lucas, et tu travailles sur un projet en particulier. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles de ce projet-là, qui s'intitule, rappelle-moi le titre... Il s'appelle Silent Harvester, mais c'est oui. un titre de travail. C'est quelque chose qui est en train de changer aussi beaucoup encore. Donc... c'est un peu difficile pour moi de travailler à de trop parler à cette point-là, parce que ça c'est un projet en recherche. Donc Harvester, ça veut dire quoi? Enfin, je cherche. C'est récolter. Ah, récolte. Ok. Ouais, c'est la récolte. La récolte. Donc c'est une récolte silencieuse. Oui. C'est intéressant dans le domaine du son de parler d'une récolte silencieuse. C'est ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec de signaux silencieux et de transmission de radio de silence. Parce que je trouve ça très bon. C'est un moment bizarre quand il y a la silence sur la radio, parce que tout autour il y a du noise et du bruit. Et s'il y a un signal qui est silencieux, ça envoie. Bon, pour moi, il y a quelque chose de très intéressant. C'est sûr qu'un silence à la radio, c'est un grand temps mort. C'est assez particulier. Parce que ici, notamment, les radios commerciales ont très peur d'avoir ne serait-ce qu'une fraction de seconde sans bruit ou sans son. C'est notamment ça qui m'intéresse dans la société où on est très. On parle d'être signalé, on est toujours tout veut nous parler tout le temps, donc un signal qui dit rien, ça m'intéresse beaucoup dans qui cette contexte. Qui est une pause, en somme. Une pause. Faire une pause, faire de cesser de faire du son pour une fraction, ne serait-ce qu'une seconde, c'est déjà un temps gagné pour l'auditeur. Oui, ça permet de recréer de choses sur une nouvelle base. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je recherche en ce moment. Dis-moi, Lucas, avant d'aller en pause, on écouterait une pièce qui s'intitule Structure and the Order. Et j'aimerais, avant de démarrer, que tu nous en parles un peu de cette pièce-là. C'est un tout nouveau projet avec un autre sound artiste allemand qui s'appelle Nicolas Hein. Et ce qu'on fait, c'est on a créé deux synthétiseurs nous-mêmes en programmation de synthétiseurs qui font aussi de lumière, qui sont en rapport sur scène aussi, mais qui fonctionnent à la base du texte. Donc on écrit sur scène de texte, de nouveau la langue, qui sont directement codifiés en musique. Donc c'est vraiment c'est du texte codifié qu'on joue. Et ouais, c'est tout nouveau projet. On est bon, c'est un prototype encore, mais j'aime bien le résultat jusqu'au moment. Alors on l'écoute. L'émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, deuxième demi-heure de, j'allais dire l'aérospatiale, mais de la croche-oreille. Toujours Gaëtan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous. Et nous sommes en très grande compagnie avec notre invité, Lucas Truniger. Truniger. Bon. De Suisse et qui est ici chez Avatar pour quelques semaines, voire quelques mois. Quelques mois, oui. Quelques mois. Alors, deuxième demi-heure, Lucas, on t'a demandé de nous parler d'artistes dans le domaine du son qui t'intéressent ou qui t'ont touché. Et tu nous as parlé d'Alain Lucier, de David Tudor et de Yanis Xenakis. On va commencer par Alvin Lucier, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Alvin Lucier. Et Alors, pourquoi et quelle pièce tu as choisi de lui et pourquoi? C'est Music on a Long Thin Wire. Et c'est une pièce qui m'intéresse beaucoup depuis un petit moment. Parce que c'est très. J'adore parce que c'est très. Il est très minimal. Il est très simple, mais je trouve très, très beau. Et ce qui est aussi. Bon, c'est aussi une installation. Donc, c'est diffusé aussi comme une pièce sonore. Mais c'est aussi c'est produit par une installation sculpturale avec le wire. C'est ça, un fil qui. Le titre, c'est Musique pour un long fil. C'est ça, un long fil. Ouais. Et donc, c'est ça, installé dans un espace d'exposition. Et j'aime bien cette double représentation de ce mm-hmm. pièce qui est très beau dans son totalité. Alors, on va l'écouter. On va en écouter évidemment un extrait. Thank you. Alors, on voit bien ce fil qui est tendu et qui, avec un jeu d'un aimant, c'est ce que tu nous racontais, Lucas, un aimant qui exerce une tension sur ce fil-là et qui le fait vibrer, et d'où la vibration, et selon Wire, qui vibre. Donc, ça, c'est une œuvre d'Alvin Lucier. La prochaine, tu nous as amené chez David Tudor. Une pièce qui, Rainforest, et on en parlait juste avant l'émission, une pièce qui a été importante pour Avatar. Lors d'un colloque, Gaétan et moi, avant l'émission, on recherchait le moment, mais lors d'un grand colloque qui a été organisé par Avatar, il y a une couple d'années, et ils avaient reproduit l'œuvre de Rainforest de Tudor. Alors, on va l'écouter. On va en écouter un extrait. Puis, par la suite, tu pourras nous expliquer pourquoi tu l'as choisi. Bien sûr. OK. Ah, c'est très organique encore comme sonorité. Qu'est-ce que c'était, ça, Lucas? C'est une pièce qui est basée que sur de son électronique, un petit circuit qui a été fait par Tudor et qui est diffusé dans différents, à travers différents objets qui sont mis dans un grand espace. Mm-hmm. C'est une cinquantaine d'objets qui sont équipés avec des haut-parleurs qui colore le son de nouveau, et donc c'est une sorte d'une acousmonium, mais très très brute, très basique. Mm-hmm. Et c'est ça que j'aime bien de cette pièce, de rejouer le son avec de manière très très très simple de nouveau. C'est quelque chose qui est, ouais, c'est pas de bonnes enceintes, c'est de mm-hmm. c'est de des objets métalliques, de eh oui. des objets de cuisine même, des choses comme ça. Ben, on entendait toutes sortes de résonances. Ouais. Probablement aussi, il y avait des vieilles casseroles. Avant d'aller à la dernière pièce, tu vas, pendant ton séjour au Québec, tu vas être à Montréal à la Biennale internationale d'art numérique. Tu vas présenter là-bas un spectacle assez un peu spectacle, une pièce ou... C'est le pièce qu'on a aussi entendu un petit un extrait avant. C'est déjà mm-hmm. entendu un opéra automaton, okay. qui va être présenté dans le cadre de la Biennale cette année. Mm-hmm. Et ouais, c'est très chouette que le pièce peut voyager jusqu'à ici. C'est mm-hmm. ça me ouais. Et c'est un bon défi. Je voyais qu'il y avait plus d'une centaine d'écrans haut-parleurs. Tu tombes dans les grosses affaires, les grosses installations. C'est pas une petite installation. C'est une grande structure lumineuse et sonore sur laquelle c'est pour ça le Opera Automaton. Grâce à des algorithmes, il y a des opéras autour du fosse qui sont recomposés et rejoués sur cette dispositif en lettres et en mélodie. Et donc, c'est une sorte d'une nouvelle version de fosse qui est créée sur cet dispositif numérique. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans Faust? Faust, dans ce contexte de nouveaux médias, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est le mythe de l'homme et de l'homme qui veut pousser ses limites et qui aussi pacte avec le diable pour y arriver. Et je trouve que c'est quand même une situation qui nous ressemble dans une manière et qui est toujours actuelle, je trouve. C'est pour ça cette intention de faire une nouvelle interprétation très numérique, très mm-hmm. abstrait dans une manière aussi, mais mm-hmm. mais quand même bon, venez voir, il y a quelque chose de, on peut le redécouvrir dans cette dispositif quand même. Ben, on va c'était très agréable de t'avoir avec nous en passant aujourd'hui. Il nous reste peu de temps, on va se donner la dernière période pour écouter ta dernière proposition. Donc, merci et bienvenue bienvenue au Québec, bienvenue pour le vrai maintenant que tu as fait tes derniers devoirs en Europe. Tu es ici pour un petit bout de temps. Alors, merci à vous. On va quelques mots sur la dernière pièce que tu as choisie, celle de Yanis Xenakis. C'est la légende d'air. C'est une pièce qui était aussi, comme toutes les pièces, une pièce aussi qui était présentée dans une installation mm-hmm. qui s'appelle Diatope. C'était pour l'ouverture de Centre Pompidou. Donc c'était une sorte d'une architecture lumineuse avec beaucoup de enceintes dans cet espace. Mais avec beaucoup de lumière et de lasers, donc c'était un grand spectacle aussi. Et une très belle pièce qui s'interroge sur l'espace, l'outer space, l'espace au-delà. L'espace Outer, tu dis? L'espace. OK. donc on s'en va dans un autre espace, c'est ça que tu... quelque part, OK. Ben écoute, merci Lucas d'avoir été avec nous encore. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci Gaétan. Et on vous dit à la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Restez en ondes, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL. Bye. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.